Bon vendredi, les 12h30, voici les informations à CKRL. D'abord, triste nouvelle qui est tombée ce matin, annonce du décès du journaliste sportif Lionel Duval, décédé ce matin à l'âge de 83 ans. Lionel Duval qui a marqué le paysage médiatique québécois. Il a pris sa retraite en 1993 après plus de 30 années de service à Radio-Canada. Apprécié du public, Monsieur Duval s'est fait connaître comme présentateur et animateur de la soirée du hockey. Pendant une vingtaine d'années à la télévision, le journaliste originaire de l'Estrie, qui a également couvert de nombreux Jeux olympiques au cours de sa carrière. Et grosse nouvelle dans le monde des communications, Rogers Media qui a annoncé qu'elle se départissait de ses magazines québécois. Elle met donc en vente les magazines L'Actualité, Châtelaine et Loulou. Le géant torontois qui a mentionné son intention de se concentrer sur ses marques anglophones et sur le développement du numérique. Rogers Media, qui compte d'ailleurs réduire l'impression de ses magazines anglophones, dont le Maclean's, pour accentuer sa présence sur le web, là où les annonceurs se trouvent désormais. Et à Québec, le fédéral ne veut plus s'occuper de l'espace 400e. Le propriétaire Parc Canada a tenté pour une deuxième fois en vain de vendre l'établissement à la Ville de Québec, construit au coût de 9 millions de dollars. En 2008, donc, il s'agissait du legs du fédéral à la Ville de Québec pour ses 400 ans, mais ce n'est plus une opération rentable pour le fédéral avec un taux d'inoccupation très très bas et aucune exposition en 2015. Dans sa dernière offre, le fédéral proposait à Québec de lui vendre le bâtiment à rabais, à moitié prix, mais encore là, la ville ne s'est pas montrée intéressée. C'est un échec qui pourrait faire renaître le projet de maison des régions. Au journal Le Soleil, la Fédération québécoise des municipalités, qui porte ce projet depuis un moment déjà, confirme son intérêt, mais elle ne se montre pas particulièrement pressée. Il faut mentionner que l'organisme vient de s'installer dans de nouveaux locaux sur la rue Grande-Allée-Ouest.